Sur la photo fanée, il y a 33 gamins, juste avant le goûter, qui rigolent dans les coins. Mais qu'est donc devenu celui qui a les culs nus, ramasser les cartons, la ferraille, le chiffon, que son père fracassait, qui revenait brisé, des trésors dans les mains, autour de son chagrin. Est-ce qu'il a survécu aux larmes de pinard, aux ombres de la rue et au destin fouettard? Sur la photo fanée, il y a 33 gamins, juste avant le goûter, qui rigolent dans les coins. Mais qu'est-il arrivé au petit rigolo, lui qui faisait gros dos aux têtes de Toto? Est-ce qu'il a continué le même numéro, un index dans le nez, le balai de Charlot? Est-ce qu'il a fait pirouette au piège de la vie, en bluffant la roulette avec ses pitreries? Sur la photo fanée, il y a 33 gamins, juste avant le goûter, qui rigolent dans les coins. Et la frêle princesse qui voulait être reine, qui se coiffait les tresses de janvier aux étrennes, la bouche minaudière, elle embrasait mes mains. Je la savais sorcière, mais je ne soufflais rien. De courbette en parure, a-t-elle vécu enfin dans ce monde morsure, ses rêves enfantins? Sur la photo fanée, il y a 33 gamins, juste avant le goûter, qui rigolent dans les coins. Ils me regardent tous, le tablier est taché, ignorant les secousses et les destins secrets. Qui est devenu flic, archevêque ou putain? Qui a fait le grand saut? Qui va mourir de faim? Qui a connu l'amour et qui a joui souvent? Qui se souvient encore qu'il était un enfant? Sur la photo fanée, il y a 33 gamins, juste avant le goûter, qui ignorent demain.